Bienvenue à Méloman, une émission pour les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne de CFNJ 99.1. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Méloman, édition du 9 septembre 2015. Écoutez, ce soir, on va y aller un peu à l'inverse de la semaine passée. Mais inquiétez-vous pas, ça va être aussi bon. Si ça se trouve, vous allez connaître encore plus d'artistes ce soir. Parce qu'au lieu d'y aller avec des One-Hit Wonders ou Merveille à un succès dont on a parlé la semaine dernière, on va découvrir ensemble des chansons peut-être parfois moins connues de gens que vous allez connaître, eux, pour la plupart. Ceci dit, il va y avoir plein de chansons que vous connaissez quand même. Que voulez-vous, je peux pas m'en empêcher. Juste du bonbon ce soir, vous allez voir. Encore une fois, suivez-moi jusqu'à minuit, ça vaut la peine et ça coupe votre semaine en deux. Comme ça, un mercredi soir, pourquoi pas, ça fait du bien. Donc de l'or en barre jusqu'à 23h59, comme toujours à Méloman. On commence avec une star issue du rockabilly des années 50. Un des premiers styles avec le boogie-woogie à avoir donné naissance au rock'n'roll tel qu'on le connaît. Un artiste qui est mort très jeune, à l'âge de 21 ans, dans un accident bête de taxi en 1960. Imaginez en voulant protéger sa fiancée du nom de Sharon Shealy, qui a survécu jusqu'en 2002 grâce à lui. D'ailleurs, sa fiancée écrivait des chansons et c'est elle qui a écrit Something Else en 1959. La légende Eddie Cochran, 99 CFNJ. She comes. Here comes that girl again. Wanted to beat her since I don't know when. But she don't notice me when I pass. She goes with older guys, plumb her out of my class. But that can't stop me from my thinking to myself. She's your fine looking man. She's something else. Hey, look at there. Across the street. Something else. Hey, look at here. Just wait and see. Work hard and save my dough. I'll buy that car that I've been working so. Get me that girl and we'll go riding around. We'll look real sharp with a white top down. I'll keep right on a dreaming and a thinking to myself. When it all comes true, man, wow, that's something else. Yeah, what's all this? Never thought I'd do this before. But here I am, I'm knocking on a door. My car's out front, and it's all mine. Just a 41 Ford, not a 59. I got that girl, and I'm a-thinking to myself. She's sure fine looking, man. Wow, she's something else. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang, dang, dang, ding, dong, ding, blue moon, moon, moon, blue moon, dip, dip, dip, dip, moon, moon, moon, blue moon, dip, dip, dip, moon, moon, moon, blue moon, dip, dip, dip, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang, dang, dang, ding, dong, ding, blue moon, moon, moon, you saw me standing alone without a dream in my heart. Bump, dang it, dang, dang, ding it, dong, ding, blue moon. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really didn't care for. Wow, wow, wow, wow. And then there suddenly.

Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFNJ. De retour à Mélomanes, l'antenne de CFNJ 99.1 et 88.9 dans tout la Naudière, de Trashman avec Surf and Bird de 1964, c'est ce qu'on vient d'entendre. Écoutez, je dis que je ne mettrai pas de One It Wonder ce soir et je me contredis déjà puisque c'est en plein ça un solide One It Wonder, Surf and Bird. Chanson qui aurait pu se retrouver dans notre bloc de rock garage la semaine passée. Je disais que c'était un style qui avait grandement influencé toute la vague punk de la fin des années 70. Eh bien, preuve à l'appui, les Ramones et les Cramps, deux groupes punk de la première génération, ont repris la chanson Surf and Bird en 1977 et 78 respectivement. Le problème, c'est que la version originale est tellement unique qu'aucune reprise, punk ou non, l'a jamais égalée. Sinon, juste avant, les Coasters avec leur version de Bésame Mucho, une chanson originalement écrite par le Mexicain Consuelo Velázquez en 1940, une pièce qui est devenue un standard connu de par le monde et qui a été reprise d'innombrables fois depuis. Et les Coasters dont on parle, mine de rien, depuis trois émissions, on en avait parlé pour le groupe de Move et la semaine dernière avec les Girola et leur reprise de Charlie Brown, toujours des Coasters, un groupe dont on reparlera prochainement. Et tout ça était précédé de Blue Moon 1961 dans sa version doo-wop du groupe The Marcells, un autre standard qui date originalement de 1934, composé par le fameux duo Rodgers and Hart, à qui l'on doit plusieurs standards de jazz connus comme My Funny Valentine ou My Romance, par exemple, qui proviennent majoritairement de comédies musicales sur Broadway à ce moment-là. Donc sinon, Blue Moon, une chanson qui parle de la lune bleue. Mais c'est quoi ça, une lune bleue? Mais c'est un événement qui se produit une fois toutes les deux ou trois ans. Et on l'a vécu cette année d'ailleurs au mois de juillet, où il y a eu deux pleines lunes dans le même mois. La lune bleue, c'est tout simplement le nom qu'on donne à la 13e pleine lune, les années où il y en a une, bien sûr. On continue en 1968 avec un groupe britannique que j'affectionne particulièrement. J'ai nommé The Zombies, une des formations les plus sophistiquées du temps des Beatles. On va les découvrir à travers plusieurs magnifiques chansons méconnues au fil des émissions. Mais pour tout de suite, on y va avec un de leurs plus grands succès, Time of the Season, à CFNJ 99.1. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for loving. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken us any time to show? What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time si bête, bête, bête. Serre-moi plus fort et plus fort encore. Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi, car tu es encore une petite fille. Si bête, bête, bête, serre-moi plus fort et plus fort encore. Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi, car tu es encore une petite fille. Si bête, bête, bête, serre-moi plus fort et plus fort encore. Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi, car tu es encore un petit garçon. D'entendre le petit Michael Jackson sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9. Bienvenue à ceux qui viennent de joindre à nous. Et oui, Michael Jackson sur son premier album solo Got to Be There, enregistré chez Motown en 1972, alors qu'il n'a que 13 ans, mais qui a au moins déjà 5 ans d'expérience avec ses frères en arrière de la cravate, imaginez. Une reprise de Rockin' Robin, popularisée par Bobby Day en 1958, une chanson destinée à un jeune public

mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. The man in a trench coat, batch out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around an inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get boxed, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools looking for a new fool. Don't follow leaders or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be a success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. De retour à Méloman au 99.1 CFNJ, le revendicateur, le surréaliste Bob Dylan, Robert Zimmerman de son vrai nom, avec Subterranean Homesick Blues, tiré de l'excellent album Bringing It All Back Home de 1965, c'est ce qu'on vient d'entendre. Un album où Dylan a choqué la communauté folk du temps en incluant des instruments électriques à ses chansons pour la première fois. Ça semble bien banal de nos jours, mais ça a créé tout un tollé dans les années 60. Et il a bien fallu que quelqu'un y pense et le fasse pour une première fois. Et c'est Dylan qui l'a fait, une des multiples raisons pour lesquelles il est si respecté. On n'aura pas le choix d'en reparler de toute façon de temps à autre, puisque son influence est omniprésente dans le paysage musical de ces années-là jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, juste avant, on a entendu The Band, le groupe qui a longtemps accompagné Dylan en tournée et sur album, avec leur premier long jeu homonyme de 69 et la chanson Up on Cripple Creek. Et les deux groupes anglais étaient The Hollies, où on retrouve Graham Nash d'ailleurs, qui fera partie du fameux trio Crosby, Stills & Nash, avec le succès Bus Stop de 1966, suivi du groupe The Who, avec une très belle chanson de 1967 que j'espère vous avoir fait découvrir, Odorono, tiré d'un album concept méconnu qui s'appelle Sell Out, sorti juste un peu avant le grand opéra rock Tommy. The Who, un autre groupe qui a fait des trucs surprenants qu'on connaît moins. On enchaîne avec une composition méconnue du grand arrangeur et compositeur Stefan Venn. Mais tout d'abord, on y va avec un autre Tommy, mais cette fois, c'est Tommy James and the Shondells sur les ondes de CFNJ 99.1. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Ah, enlève ta jupe. Non, non, non. Plus haut, plus haut. Ah non, non. Plus bas. Ah, voilà, c'est ça. Maintenant, ne bouge pas, ne bouge pas, hein. Reste comme ça. J'en ai connu des jolies filles. Dix fois plus belle que toi. J'en ai connu avec des corps parfaits. Ils ne m'ont jamais fait l'effet que tu me fais, me fais, me fais, me... Aïe! Dès que tu t'assieds, je suis fait. Oh, j'aime, j'aime. parle, je m'en fous. Il y a des photos, il y a des tableaux, de tes beaux genoux partout sur les murs. Il y en a au plafond, il y a des genoux plein la maison. Et j'en ai même collé sur notre joli plancher. Et par-dessus tout, aïe, j'aime tes genoux, ils me rendent fou. Petit saint, se tient bien, le bas de ton dos est juste comme il faut. Mais tout ça me laisse pas, m'intéresse pas, le reste non plus. Car c'est déjà vu, ça me fait que me gêner, ça m'empêche. Ah, mon bois tes genoux. Oh, ça c'est du genou. Du beau, du vrai genou. Un genou devant tes genoux. Je regarde tes genoux, puis oh. Oh. Oh. J'aime. J'aime tes genoux. À chacun ses goûts. Quand on va promener sur les Champs-Élysées, moi je marche à quatre pattes pour mieux les voir. Et quand un agent me demande pourquoi, comment, je dis si vous inquiétez pas, c'est pour ça que je marche comme ça. J'aime ces jours, je les suis partout. Mais je suis pas fou. êtes à Mélomanes sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. On vient d'entendre dans l'ordre Crimson and Clover, une chanson qui va redevenir un succès auprès d'une autre génération dans les années 80 grâce à John Jett et les Black Hearts. Ici, c'était la version originale de 1968 par Tommy James and the Shondells. Ensemble qui a pondu quelques autres succès comme Hanky Panky ou une autre chanson qui a été reprise elle aussi dans les années 80 par Billy Idol, Money Money. Ensuite, une chanson de René Claude en 1969, Le Tour du Monde, composée et arrangée par l'excellent Stéphane Venn, où on a pu entendre un bassiste en feu, Jean Béluse, bassiste qu'on entend sur la plupart des succès de Stéphane Venn. C'était suivi du génial Henri Salvador avec sa reprise de Shame, Shame, Shame du groupe américain Shirley and Company de 1974. Il la reprend la même année et l'intitule J'aime tes genoux. On pourrait presque dire un hymne aux fétichistes des genoux où on reconnaît bien l'humour bon enfant de Monsieur Salvador comme toujours. Et la dernière qu'on a entendue et non la moindre, le groupe Chicago en 1970 avec 25 or 6 to 4, version longue avec solo de guitare, s'il vous plaît. Chicago, un groupe surtout connu pour ses ballades très pop, qui a pourtant commencé son ascension avec des arrangements beaucoup plus rock, avec une section de cuivre hallucinante. Peu de gens savent d'ailleurs que Jimi Hendrix lui-même était un fan de la première heure du groupe. Il aurait même clamé haut et fort que leur guitariste était meilleur que lui. Ce guitariste, c'était Terry Catt, un gars qui est décédé bêtement des suites d'un genre de roulette russe qui a mal tourné. Un type qu'on devrait voir apparaître plus souvent dans les palmarès de grands guitaristes de rock. En tout cas, allez voir ça, Chicago, un groupe différent de l'idée qu'on s'en fait souvent. Bon, il va maintenant avec une reprise d'un classique du Rhythm and Blues de la Nouvelle-Orléans, originalement chanté par Smiley Lewis en 1955. On écoute la version de David Moons de 1970, I Hear You Knocking au 99.1 CFNJ. Centre et sud de la région, pour les prochaines heures, c'est nuageux. Un dégagement au cours de la nuit, minimum de 14. Jeudi ensoleillé, maximum de 23. Et nuageux, 40% de probabilité d'averse vendredi, maximum de 25. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, dégagement pour les prochaines heures, un minimum de 9. Jeudi ensoleillé, maximum de 23. Et vendredi, des nuages, quelques averses, maximum de 22. CFNJ. Yeah.

bientôt sur X, vous aimez sur derrière un Kleenex, je serai nue, comment te dire adieu. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Welcome back to the age of jive. Where have you been? been hiding out lately, honey. You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. A bold Brummel, baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new wave, dance crazy. Anyways, it's still rock and roll to me. Don't you know that they're out of touch? Well, should I try to be a straight A student? If you are, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance crazy. Anyways, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. On vient d'entendre Billy Joel sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9. Et oui, on vient presque de transgresser la loi. Vous savez, Mélomanes veut une émission du meilleur des années 50 à 70. Et on vient d'entendre un succès de 1980, mais bon, enregistré en 79 par un artiste qui a marqué les années 70 quand même, Billy Joel avec « It's Still Rock and Roll to Me ». De toute façon, comme on disait la semaine passée, on va la transgresser la loi comme ça de temps en temps, Mélomane. Juste avant, c'était le roi de Motown, Marvin Gaye, avec son succès de club de 1977, Got to Give It Up Part 1, parce qu'on pouvait retrouver la partie 2 sur la face B du 45 tours. Voyez-vous, on parle encore de cette fameuse maison de disques Motown. Ça sera pas bien long, on devrait faire un spécial pour ce genre en particulier à l'émission. Mais pas la semaine prochaine, parce que je vous l'annonce officiellement d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura un petit spécial Jamaïque avant qu'il fasse trop froid pour qu'on pourra en parler. Donc c'est un rendez-vous si vous voulez connaître la musique de cette petite île qui a grandement influencé la musique de partout dans le monde. Et n'ayez crainte, on parlera pas seulement de Bob Marley, il y a plein d'autres belles choses à découvrir sur la Jamaïque. Et bien sûr, juste avant, dans ce qu'on a entendu, Françoise Hardy, Comment te dire adieu, une chanson au texte aux rimes microscopiques composée par Serge Gainsbourg en 68. D'ailleurs, Eratom, un auditeur, m'a fait remarquer la semaine dernière que Jacques Dutronc et Françoise Hardy ne sont plus ensemble. Donc je rectifie et tous mes rêves s'effondrent, mesdames et messieurs, moi qui croyais en l'amour éternel. Ça m'apprendra à y aller dans les potins, mais merci à l'auditeur en question, il a grandement raison. Et ensuite, vous avez reconnu Julien Clerc en 1978 avec son grand succès « Ma préférence ». Julien Clerc dont on va découvrir les débuts de carrière au fil des émissions. Maintenant, Billy Joel nous parlait de rock and roll tantôt. Pourquoi pas un petit retour en arrière en 1957 avec Thurston Harris et Little Bitty Pretty One sur les ondes de CFNJ 99.1. Mm-hmm. in the nation. Give me Memphis, Tennessee. Help me find a party to try to get in touch with me. She could not leave a number, but I know who placed the call. Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who called me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. She was waving me goodbye with her home drops on her cheek that trickled from her eye. But we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Help me, information, more than that I cannot add. Only that I miss her and all the fun we had. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Et 88.9 CFNJ. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ I don't know. and we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Everything's alright, yes, everything's alright, yes. Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you, Merkel, you're not far. Saying we have the resources to save the poor from their lot. There will be more always pathetically struggling. Look at the good things you've got. Think while you still have me. Move while you still see me. You'll be lost. You'll be so, so, oh, oh, oh, oh, when I'm gone. Toujours à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ dans Toulanaudière. On vient d'entendre une belle pièce qu'on n'entend presque plus malheureusement et qui a pourtant eu un succès respectable en 1970. Everything's Alright, extrait de la comédie musicale Jesus Christ Superstar de Tim Rice et d'Andrew Lloyd Webber, à qui l'on doit entre autres Cats et le fantôme de l'opéra. Des compositeurs qui ont souvent le tour de faire en sorte que de la musique fort complexe ait l'air simple, comme ici, une chanson qui a une mesure à 5 temps pour les musiciens d'entre vous. C'est Marie-Madeleine, interprétée par Yvonne Elliman, qu'on a entendu. Yvonne Elliman qui va frapper fort en 1976 avec sa version d'If I Can't Have You des Bee Gees sur la trame sonore de Saturday Night Fever. Trame sonore la plus vendue au monde, si je ne m'abuse, ou du moins qui l'a été pendant longtemps. Sinon, j'espère vous avoir fait découvrir Ruth Brown avec la magnifique I Don't Know de 1959, un titre un peu plus bluesé. Et juste avant, Johnny Rivers avec Memphis, Tennessee, une chanson originalement composée par nul autre que Chuck Berry. un hit de 1964 pour Johnny Rivers, qui va aussi nous donner Secret Agent Man, pour ceux qui connaissent. Et maintenant, on y va avec un petit bloc plus folk avec deux Jim et un Bertrand au CFNJ 99.1. Et le cœur en ce temps, me voilà enfin au large. Radeau chaviré, la marée haute, perdu dans ton regard. Tant perdu à craindre l'étreinte, à éteindre la moindre flamme. Frontières disparaissent par tes mains, et mon amour devient serein. Renouveau et découverte, j'apprivoise ta tendresse. M'enivre de ta douceur. J'ai la tête en gigue et le cœur en ce temps. Me voilà presque au rivage. Temps perdu à craindre l'étreinte, à étouffer la moindre chaleur. Frontières disparaissent par tes mains, les mots d'amour deviennent si simples. kind of late. I hope I didn't wake you, but there's something that I just gotta say. I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Qui me revient dans les oreilles tout le temps. C'est moi, j'ai plus le même temps comme avant. Plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles. Dis-moi, c'est quoi ta tonne qui me revient comme le soleil tout le temps. Tu viens, c'est jamais pour longtemps. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Stone love, she kneels before the grave, a brave son gave his life to save a slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. New love, a boy and girl are talking. New love, what they'd only taken sharing you. What a love so strong it tears their hearts to sleep through the bleeding hours of morning. Love is careless and it's choosing, dreaming over blossom daily. Love descends on those defenses. Give me a love with sparks of fusion. Inspirations have I none, just a touch of flaming dove. All I have is my love of love, and love is not loving. The word untold of love, and how my God on high is all love. The reaching of my loneliness evolves by the blindness that surrounds him. Love is careless in its choosing, sweeping over. Et 88.9 CFNJ. David Bowie sur les ondes de CFNJ 99.1. Vous êtes à Méloman, tiré de son album de 72, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, la chanson Soul Love. Encore une chanson à mesure inhabituelle pour les musiciens. Je ne fais pas exprès, ça donne comme ça ce soir, une mesure à 7 temps cette fois-ci. Ziggy Stardust, un album où on va découvrir Bowie, l'extraterrestre, un artiste qu'on va réentendre souvent à Méloman, sinon juste avant 1975 avec Dixie, composition de Serge Fiori au sein d'Harmonium, bien sûr, tiré de Si on avait besoin d'une cinquième saison, deuxième album du groupe. Dixie, un titre qui rappelle le Dixieland, un des premiers styles de jazz nous provenant de la Nouvelle-Orléans dont on a parlé tantôt, d'où le très beau solo de clarinette bien jazzé qu'on connaît tous par cœur. D'ailleurs, il faut le faire hein, quand on peut chantonner autant le solo de la mélodie que la mélodie de voix. Donc on peut chanter les deux. Ça fait une belle chanson bien complète, un talent que Fiori a toujours eu. Et tout ça était précédé de deux pièces folk bien typiques des années 70. On va faire un spécial sur le folk d'ailleurs bientôt. On a entendu le duo Jim et Bertrand, soit Jim Corcoran et Bertrand Gosselin en 1976 avec la pièce titre de leur troisième album « J'ai la tête en gigue », suivi de Jim Croce, une étoile filante du folk américain mort tragiquement à l'âge de 30 ans dans un écrasement d'avion. C'était sa chanson « I'll have to say I love you in a song » sortie de façon posthume en 1974. Maintenant, un petit bloc où on va entendre des groupes qui axent souvent leur arrangement sur des harmonies vocales très complexes. Vous allez voir que de la beauté à l'état pur pour les prochaines minutes. On commence avec une ballade quasi classique, ce qui n'est pas étranger à Freddie Mercury et Brian May de Queen en 1975, tiré de leur chef-d'œuvre d'album A Night at the Opera, Love of My Life au 99.1 CFNJ. Thank you. is new. Love is all, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue. toujours à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Ceux qui me connaissent plutôt devaient se demander quand est-ce que j'allais faire jouer du Beatles ou même certains d'entre vous, chers auditeurs. C'est quand même une émission sur les années 50 à 70 et les Beatles ont eu une influence indéniable, qu'on le veuille ou non. Eh bien, c'est fait. On a entendu Because pour rester dans le thème des harmonies vocales tirées de leur dernier album Abbey Road en 1969. Une pièce époustouflante composée par John Lennon sur un texte de McCartney. Lennon se serait basé sur la progression harmonique du premier mouvement de la célèbre sonate à la lune de Beethoven que vous connaissez tous. Peut-être sans le savoir pour certains, mais c'est sûr que vous connaissez ça. Et un arrangement d'harmonie vocale directe à trois voix magnifique qui a été triplé en studio pour nous donner l'impression d'une puissance de neuf voix. Les Beatles qu'on va entendre à Mélomanes, n'ayez crainte, mais on va y aller avec des chansons qu'on a un peu moins entendues à la radio parce qu'on se cachera pas qu'il y a des chansons qu'on a un peu trop entendues. Et ils en ont fait plein d'autres tout aussi belles, sinon meilleures. C'était suivi d'un autre Beatles solo cette fois-ci, le premier en fait à faire un album solo, George Harrison, avec le méga succès My Sweet Lord de 1970. On en reparlera, il y aurait plein de choses à dire, mais je ne peux pas passer sous silence les Beach Boys juste avant Because avec Girls on the Beach de leur album All Summer Long de 1964. Brian Wilson, véritable génie et compositeur principal du groupe dont on va aussi reparler inévitablement, un arrangeur hors du commun, complètement autodidacte, qui est à l'origine d'arrangements vocaux beaucoup plus complexes que ce qu'on peut retrouver parfois chez les Beatles au même moment. Et c'est d'ailleurs lui qui a souvent influencé les Beatles à plusieurs égards. On en parlera plus amplement dans une prochaine émission, ça c'est certain. Maintenant, on s'en va complètement ailleurs avec quelques poètes, je vous dis, restez l'esprit ouvert, dont un album québécois que John Lennon, justement, avait, semble-t-il, fort apprécié. Mais juste avant, tant qu'à y aller avec les Beatles, exagérons jusqu'au bout. Avec Lennon, justement, et Oh My Love de 1971 au 99.1 CFNJ, juste après la météo. Avec vous, partout dans depuis 30 ans. CFNJ 99.1 88.9 Météo. Centre et sud de la région, pour les prochaines heures, c'est nuageux. Un dégagement au cours de la nuit, minimum de 14. Jeudi ensoleillé, maximum de 23. Et nuageux, 40% de probabilité d'averse vendredi, maximum de 25. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, dégagement pour les prochaines heures, un minimum de 9. Jeudi ensoleillé, maximum de 23. Et vendredi, des nuages, quelques averses, maximum de 22. CFNJ

Vous êtes de retour à Mélomanes au 99.1 CFNJ. On vient d'y aller avec quelque chose de très différent. Gardez à l'esprit qu'on va se promener beaucoup dans les styles à l'émission. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les années 50 à 70. Donc, on a entendu Jean-Pierre Ferland avec God is an American de l'album Concept Jaune de 1970. Ensuite, Léo Ferré et l'apocalyptique déclamation qui est préface de 1973. Suivi, bien sûr, de Gainsbourg avec L'Anamour en 1969. Écoutez, tous des poètes dont on pourrait parler longuement, mais le temps se fait court et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire réveiller avec un peu de funk. Donc, attention! Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band avec Express Yourself de 1970 sur les ondes de CFNJ 99.1. Express yourself. Express yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do, do it good. Whatever you do, do, Lord, Lord. When you're doing what you're doing, it's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself. Express yourself. You're doing it on the moon, y'all. In the jungle, too. ain't holding nothing back. Ow, she's a brick house. Well, put together, everybody knows this is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose with the suit she used? 36, 24, 36. Oh, what a winning hand, 'cause she's a brick house. She's mighty, mighty, just letting it all hang out. And she's a brick house. I don't like ladies that, that's a fact. Ain't holding nothing back. Oh, she's a brick house. Yeah, she's the one, the only one, built like an Amazon. Ways make a old man wish for younger days. Yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Sure enough can knock a strong man to his knees. 'Cause she's a brick house. Yeah, she's mighty, mighty, just letting it all hang out. Shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ Wow, Chicken Strut, The Meters en 1970 à Méloman sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. The Meters, un groupe à découvrir qui groove comme pas un. Encore de la musique de la Nouvelle-Orléans qui est très présente, ma foi, à l'émission ce soir. Le funk, un style très dansant qui va donner naissance, entre autres, au disco, son petit cousin pauvre. Mais la vague disco a quand même donné naissance à des chansons superbes comme les Eagles qui s'y sont adonnés sur la pièce One of These Nights tirée de l'album du même nom de 1975 qu'on a entendu juste avant. Et sinon, The Commodores, groupe au sein duquel on pouvait retrouver un jeune Lionel Richie avec le succès Brick House de 1977. Écoutez, plein de belles choses encore et je ne veux pas manquer de temps. On y va avec le roi du funk, le parrain du soul, pour rester dans le thème. James Brown, bien sûr, au 99.1 CFNJ. Good. Oh, where's the mother of the night? Hello. You got enough.

There's a girl, she's waiting for me. Cross over the river, beyond every cloud. She's past the winds that's blowing loud. Over the mountain, a girl waits for me. Tell all the sands and every blade of grass, please tell the winds to let my love pass. Over the mountain, a girl waits for me. Over the mountain, my love waits for me. Into each dark and starry night, oh, what a mystery that sealed so tight. Over the mountain, a girl. Au 99.1 et 88.9 CFNJ et l'émission qui s'achève déjà. Et oui, toute bonne chose à une fin. On a entendu le groupe instrumental québécois Les Jaguars, bien sûr, avec Mère Morte, leur gros succès de 1964. une chanson qui a pas à rougir devant les classiques du genre, comme les pièces des Ventures, par exemple, ou Sleepwalk de Santo and Johnny, qu'on a entendu il y a pas longtemps à l'émission. Si on fait un spécial sur la musique surf instrumentale des années 60, c'est certain que Mère Motte va s'y retrouver. Tenez-vous le pour dit. Et juste avant, Bobby Vinton, que j'aime beaucoup depuis un jeune âge, avec une pièce un peu moins connue de son répertoire, surtout si on compare à Blue Velvet ou Mr. Lonely, par exemple. C'était Over the Mountain, Across the Sea de 1963. Et c'est malheureusement tout pour cette semaine. Déjà, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, avec entre autres un spécial Jamaïque. Manquez pas ça, mercredi prochain, 21h. Bonne semaine à tous. Je vous laisse avec un thème de film de 1963 que vous connaissez tous, composé par Henry Mancini. Bonne nuit à vous et à la semaine prochaine. Thank you.